C'est bon là ? Ok. Galaxy Pop. Peut-être pas les premiers sur la pop culture, mais. Bah, mais rien en fait. Pas les deuxièmes ? Non. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ciné Dimanche. Et normalement, à l'heure où cet épisode va être diffusé, eh ben moi je sortirai quasiment juste de la nuit Nanarland avec l'ami Dani et j'aurai bien la tête dans le sac. Et a priori, on vous fera un petit débrief de la nuit Nanarland suivi d'un Ciné Dimanche spécial Nanarland, mais la semaine prochaine. Pour cette semaine, on vous a prévu avec le corbeau que du bon. Alors moi je vais commencer avec Anaconda 2, à la poursuite de l'Orchidée de Sang, phénoménal. Le Corbeau, lui, va enchaîner avec Thunderbolt et Karate Kid Legend. Et pour terminer, pour rester un petit peu dans la veine Nanarland, je vous proposerai Manhattan Samurai. Allez, ça vous dit on y va ? Bon, allez, même si j'arrive pas à mettre la main sur le premier Anaconda, j'ai trouvé celui-ci. Au moins, c'est la même bestiole et ce sera moins con que Pire Anaconda. Ou pas ? Bon, déjà, ça commence bien, ça a l'allure d'un téléfilm allemand. Une colorimétrie exagérée et un grain vidéo bien lisse. Le cast est, disons que ça aussi, entre mauvais et complètement transparent. L'acteur le plus connu, et il faut mettre des grosses guillemets reconnues, c'est Matthew Marsden, dont le moment de gloire, c'est le rôle du voleur dans Dead or Alive. Bon, je dois admettre que je ne sais pas où cette chronique va me mener. En fait, au visionnage, j'ai été agréablement surpris. C'est moins moche que ce que je pensais, c'est plutôt rythmé et c'est vraiment con à souhait. À vrai dire, je m'attendais à bien pire, du genre justement Piranaconda ou Boa versus Python. Et en fait, bah, c'est un peu plus proche du Anaconda original, sans être aussi bien. Voilà, bah, faut le dire vite. Mais en fait, j'ai pas grand chose de plus à en dire en fait. Je m'attendais à de la merde et j'ai eu un gazpacho. Un gazpacho de supermarché et pas terrible, mais bon, et puis j'aime pas ça. Mais au moins c'était pas de la merde. Alors attention, je compare pas le gazpacho à de la merde, hein. Mais c'est quand même pas bon. Bref, toute considération gastronomique mise à part, je me retrouve bien ennuyé à parler d'un truc qui m'a surpris en bien, certes, mais qui n'a pourtant rien d'autre à offrir qu'une histoire de plantes miracles et de partous d'anacondas mutants portés par des acteurs au rabais. Et en même temps, dit comme ça, ça donne assez envie finalement. Un paquet de chips au vinaigre, une bonne minouze et roulement rond. Écoutons maintenant ce que le Corbeau a à nous dire du petit Marvel de cet été, Thunderbolt. Yelena, la nouvelle veuve noire, est lasse de sa vie et de ses missions. Lorsqu'un piège tendu par son employeuse, Valentina Allegra, se referme sur elle, les événements font qu'elle doit faire équipe avec US Agent, le fantôme et un type en pyjama appelé Bob. Nos quatre gugus réussissent à s'en sortir, en vie, et sont bientôt rejoints par le gardien rouge, le père de Yelena, et Bucky. Ils finissent par comprendre que Bob est le seul survivant du projet Sentry, qui permet de donner des super-pouvoirs à un cobaye. 36 films du MCU. Sans compter les séries, les cadres du studio ont fait les fonds de tiroir. On trouve des héros de seconde zone, on y rattache Bucky et paf, vous avez les New Avengers. Même toute ma famille en slip a plus de charisme que cette bande de clodos. Blague méta, référence continuelle au film précédent, c'est creux, vide, moche, d'une fadeur épouvantable, toujours filmé comme un téléfilm friqué. Florence Pugh Buffy se fait chier. Et Marvel fait sûrement chanter les autres acteurs. Je ne vois aucune autre explication. C'est un Waterloo cinématographique, une morne pleine. Aucune émotion, un dénouement qui, comme pour Brave New World, se résout par l'amour et refusait la haine. Si j'avais eu un bébé phoque, je lui aurais vomi dessus. Un film qui a oublié toute ambition, et qui ne m'a légèrement réveillé que pour la deuxième scène post-générique. Bref, un film qui est comme la part sombre de Sentry, le néant. Quelle surprise! Il a pas aimé un Marvel, mais pourquoi il continue de les regarder? On sait que c'est pas terrible, et lui-même le sait qu'il n'aime pas ça. Pourquoi il y retourne? Allez, espérons qu'il se change un petit peu les idées avec ce Karate Kid Legend qui a eu très bonne presse chez les copains de chez iKick. Li Fong, pratiquant de Kung Fu, dont Han, Jackie Chan, est le mentor, déménage à New York pour suivre sa mère. Suite à un défi, il se retrouve à devoir participer à une compétition dans laquelle il va devoir affronter Connor Day. Heureusement, Monsieur Han et Daniel LaRusso vont le rejoindre pour l'entraîner. Alors j'ai déjà vu des gens cracher sur la tombe de quelqu'un, mais là, il chie carrément sur la pierre tombale avant de sodomiser le défunt. Tout est laid, mal foutu. On essaye de rattacher le Karate Kid de 2010 avec celui de 1984, On y ajoute des éléments à la con, comme le père qui tient une pizzeria et fait de la boxe, un souvenir douloureux, des personnages secondaires qui ne servent à rien. On secoue le tout, et à la fin, bah, vous obtenez ce truc. Ah tiens, je n'ai même pas parlé du héros. Normal, transparent au possible, sans charisme, sans présence, et en face, on a une espèce de clone de Terry Silver de Karate Kid 3, mais avec 20 cm de moins. Jackie Chan fait de la figuration, et Ralph Macchio essaye de nous faire croire qu'il peut enseigner le karaté. Au final, on raccroche la série Cobra Kai à cet étron. Même pas 10 minutes de combat en tout. Certains câblés, je pense, et qui sont sans grand intérêt. On a l'impression que le réal n'en a strictement rien à faire. Vous constaterez que ce film ne vaut même pas le prix de l'électricité qui a servi à le projeter. Le seul moyen de faire des bénéfs avec lui serait de brancher une dynamo sur la tombe de Pat Morita. Surprise, il a encore pas aimé. Bon, les copains d'Aikik ont aimé, le corbeau n'a pas aimé, moi je ne l'ai pas vu, donc il ne me reste plus qu'à le voir pour me faire mon propre avis. Bon, les gars, vous m'aidez pas. J'avais pas prévu de le voir tout de suite, mais enfin bon. Allez, et bah pour la peine, moi je vais vous parler de Manhattan Samurai, et avec un titre comme ça, ça ne peut être que bien, non ? Non ? Bah, vous vous doutez bien que si je commence ma chronique comme ça, c'est que c'est pas bon. Et ben, c'est effectivement très mauvais. Je dois avouer que je croyais avoir acheté Ninja Assassin. Je sais pas ce que ça vaut, et je ne doute pas que ce soit meilleur que notre dope du jour, mais n'empêche que c'était pas ça. Par où commencer, donc ? Bon, sérieusement, j'ai vu cet étron une semaine avant d'écrire, et j'ai déjà presque tout oublié. Soit je vieillis, soit c'est vraiment une merde insipide. Je n'exclus pas le mélange des deux. En vérité, j'ai bien quelques souvenirs, mais rien de transcendant. Une image qui ferait passer les téléfilms de M6 pour du Tim Burton. J'ai vu des telenovelas qui avaient plus d'identité visuelle que ce machin. Et un meilleur scénar aussi, parce que là, franchement, c'est débile. Plus rien n'a de sens, même un truc simple comme la vengeance perd tout son sens ici. Tous nos protagonistes sont cons comme la pluie, et c'est un Normand qui vous dit ça. Bon, les persos sont cons, ok, mais peut-être qu'ils sont bien incarnés. Bah non, non plus, évidemment. On retrouve Peter Green en méchant, oh là là, quelle surprise, rôle qui lui colle au basque depuis The Mask Justified, mais qui a un peu trop de place pour nous prouver son insipidité. Le héros, Ho Sung Pak, est surtout connu pour avoir été Liu Kang dans les deux premiers jeux Mortal Kombat, mais il a aussi pu briller en tant que doublure de Raphaël dans Tortue Ninja 2 et 3, mais aussi devant la caméra du V-Ball dans les fabuleux Alone in the Dark et Blood Rain. Bon allez, ça c'était vraiment le dernier clou du cercueil, n'en jetez plus, j'abandonne, c'est de la merde et puis c'est tout. Bon, et ben on va se retrouver la semaine prochaine avec une spéciale Nanarland. Je pense qu'on va vraiment bien se marrer, mais on en parlera plus en détail la semaine prochaine. Et il n'y aura que moi pour parler de la nuit Nanarland la semaine prochaine, parce que le corbeau nous a lâchés. Oh là là. Et dire que c'est la dernière. Bon allez, salut à tous, j'espère que vous étiez à la nuit Nanarland et qu'on s'est bien marré. On se revoit la semaine prochaine. Il y a des jeux qui ne nous quittent jamais, même quand on les a rangés au fond d'un placard ou oubliés sur une vieille sauvegarde corrompue. Ils restent là, comme une musique d'écran-titre qu'on n'a jamais vraiment cessé d'entendre. Alors Nostalgique, c'est un podcast mensuel pour celles et ceux qui aiment se souvenir. Se souvenir d'un pixel mal aligné, se souvenir d'un doublage un peu foireux, se souvenir d'un frisson, un vrai, devant un boss qui n'avait pourtant que 3 polygones, mais qui nous paraissait immense. Tous les mois, on rouvre ensemble les boîtes à souvenirs. Dawn of War, Dark Souls 2, Hard West, on y plonge sans jugement, avec tendresse, parfois avec humour, et surtout avec cette envie de comprendre pourquoi ces jeux-là, eh bien, nous ont marqué à ce point. Nostalgique, c'est un podcast Galaxy Pop, un rendez-vous audio pour les vieux joueurs, les jeunes curieux et les cœurs un peu geeks. Abonnez-vous ou venez écouter ce que la mémoire a laissé allumer. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani,